Ailleurs ce soir, j'suis pas du tout imanique. Le pasteur verse de l'eau bénite dans mon Bloody Mary. Tout porte à croire que notre âme pourrit la nuit. Copa dit y'a ni Paul Naef ni Koulibaly. Ailleurs ce soir, j'suis pas du tout imanique. Le pasteur verse de l'eau bénite dans mon Bloody Mary. Tout porte à croire qu'une autre âme pourrit la nuit. Copa dit y'a ni Paul Naef ni Koulibaly. J'rentre serein, j'rentre sur un vide, des surins, des seringues vides. Ma grande, tu kennes, tu te rabis. La France, tu l'aimes ou tu la biffes. À l'heure où j'écris ce texte, ma sœur était en train de regarder la 12. Une émission d'attardés, genre les ch'tis font une partout. Ah non, c'est les anges de la télé-réalité. Avec le cagole de Beret qui a des seins qui lui arrivent jusqu'aux pieds. J'éteins la télé, j'pourrais allumer la radio. Mais j'en ai rien à foutre de combien de fois c'est branlé Romano. Alors je vais sur YouTube, je vois des négros qui dansent dans leurs clips et qui ont le seum quand un bat de kiki devant 150 000. J'suis le best de best, je vous best de vos chambres jusqu'en route. J'ai encore été pris par le genou de Deadpool. Ma mère a fait la queue pendant des mois pour des foutus faf. Alors t'as pas d'excuses, négro. Ferme ta gueule et trouve du taf. 10 ans plus tôt, j'versais des larmes. Pourquoi qu'elle m'habille à Tati. Aujourd'hui, j'ai plus de pères que la gosse de Rachida Dati. J'ai compris que tout a une fin, mais qu'au final, ce n'est pas si triste. Quand j'ai vu que Mala n'était plus sur le track listing. Bref, j'suis venu prendre ce qui ne revient pas sans même dire merci. Tu tombes la tête la première, comme Shy ma Bercy. D'ailleurs, ce soir, j'suis pas du tout imani. Le pasteur verse de l'eau bénite dans mon Bloody Mary. Amen. Porte à croire qu'une autre âme pourrit la nuit. Copa dit y'aura ni Paul Naef ni Koulibaly. Amen. Ailleurs ce soir j'suis pas du tout imanique. Le pasteur verse de l'eau bénite dans mon Bloody Mary. Amen. Tout porte à croire qu'une autre âme pourrit la nuit. J'demande à Yous de me faire un couplet comme un tour de magie. J'apparais en boule d'égout mais clique fort. Toujours dans le big fort. Va dire à ta pute de prof que j'écris mieux que Victor Hugo, vous êtes vite mort, ce tube dans vos transistors. Ma génération Tchernobyl, Sida, Chirac et XOR. Vite sort et capitule, on m'a dit Pélec pour l'étude, les paris PM. Les putes dans le taxi BM, les aventures caribéennes. Indépendance guadeloupéenne, illusion fatale. Chez nous le petit pousset prépare les cailloux de l'intifada. Regarde, ça me rend suspect d'avoir des rêves. Je suis libre, les gens me regardent de travers comme si je revenais de Syrie. Je suis riche de mes souffrances, Dieu seul porte le pardon. J'suis pas chez Def Jam France, j'suis mon propre patron, merde. Hypocrite, entre pleurs et ricanements. Je suis de droite que pour le fric, mais j'suis de gauche lyricalement. Mais d'où vient donc ma réussite? Le monde à l'envers médicalement, vu qu'on respire qu'avec du shit et qu'on se tue aux médicaments. Come on, baby baby come on. J'suis laconique, ne pas croire en Dieu est un péché que même le diable n'a pas commis. Come on baby, come on. J'imagine que c'est le monde que je décris que je vais laisser à Imani. Merde.